Né le 12 mai 1921 et mort à l'âge de 64 ans le 23 janvier 1986, Joseph Beuh est un artiste allemand. C'est un sculpteur, chorégraphe, peintre, mais aussi professeur d'université, illustrateur, performeur, photographe et graveur. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'il s'inscrit aux Beaux-Arts. Il devient élève de Ewald Mataré et il découvre Rudolf Steiner dont il s'est inspiré. Il devient professeur en 1961, puis en 1969, il participe à l'exposition de Harold Zeman, quand les attitudes deviennent formes, ce qui lui apporte sa célébrité. Parmi ses œuvres les plus connues, nous retrouvons Fat Chair, Sled, ou encore Infiltration for Piano. Infiltration for Piano, exposé au Centre Pompidou en 1966, est un piano recouvert d'un tissu gris avec une croix rouge sur le côté de la queue du piano. Ayant fait la guerre, la croix rouge peut faire référence à la guerre, aux victimes et aux violences. Le tissu est en fait fait de feutre, même matière que le chapeau de l'artiste. Ce matériau est un symbole de vie et de survie pour l'artiste. Cette œuvre est la métamorphose de son accident pendant la guerre. Il était enveloppé dans sa couette tel le piano. Celui-ci est censé faire de la musique, un son, mais le tissu l'en empêche. Pour revenir sur la croix, habituellement elles sont brunes, mais ici elle est rouge afin de sensibiliser davantage le public. La croix peut aussi être symbole de la pharmacie, mais aussi de l'urgence, de danger et du mal. Le piano symbolise un enfant dont le potentiel est inconnu, comme retenu par le tissu. Tissu qui pourrait représenter l'utérus. Les pattes du piano font penser à des pattes d'éléphant, donc un animal, faisant allusion aux malformations dues aux médicaments. L'artiste montre sa douleur et la souffrance à cause de son inutilité et insiste sur l'importance de parler et le danger de se taire. De manière plus générale, le piano représenterait une âme et le tissu la peau. Le désir de l'artiste serait donc de faire réfléchir le spectateur sur les mêmes, sur le danger lorsque l'on est silencieux. Une autre œuvre contient un piano, elle se nomme Plight. C'est une installation datant de 1985, aussi exposée au Centre Georges Pompidou. Dans un espace fermé en L, les parois sont recouvertes de rouleaux de feutre brut. Pour accéder au piano à queue placé à l'intérieur, il faut passer par une petite entrée étroite. Sur le piano, nous retrouvons un tableau noir ainsi qu'un thermomètre avec la température ambiante. Une portée musicale faite à la croix blanche est tracée sur le tableau. Lorsque l'on entre dans la pièce, on se sent vite étouffé à cause de la petite entrée. De plus, le plafond est bas et le feutre accentue cet effet. Cette sensation est plus présente à cause du silence qui règne. Les murs épais camouflent les bruits. Le piano étant fermé, le silence est décuplé, mais aussi le tableau noir. Quant à lui, le thermomètre a une signification médicale, dont la médecine et les hommes. Ici, il est encore abordé le sujet du silence, des médecins, de la souffrance.